L'émission Hors-jeu vous est présentée par ledanslescoulisses.com. Ledanslescoulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit une nouvelle, ledanslescoulisses.com. Et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daportfolio.com. Il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission Hors-jeu débute avec vos animateurs, JB Gagné et Jerry Godbout. Salut tout le monde, bienvenue sur la POC, nouvelle édition. Nous sommes, on est jeudi, on est le 15 juin. Qu'est-ce qu'on fait là? On vous parle de hockey. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Sylvain Rioux. Salut Sylvain. Hey, salut JB, comment ça va? Ça va très bien. Le Canadien de Montréal est en feu aujourd'hui. Il se brasse des grosses affaires. Les rumeurs se concrétisent comme ça n'a pas de bon sens. C'est le fun. Ben... Oui, puis si tu me permets, on avait vu toutes les rumeurs sortir. On parlait beaucoup de Galchenyuk plus le choix de première ronde pour Drouin puis un autre choix. Et j'étais pas convaincu de cet échange-là. Tandis que je trouve que dans l'échange d'aujourd'hui, me semble que... En fait, c'est qu'on échange un... Qu'est-ce qui est plus, pour moi, un short shot contre un point d'interrogation? OK, ben écoute, avant d'aller trop loin, là, mentionnons qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Le Canadien de Montréal, donc Marc Bergevin, s'est entendu avec Steve Yzerman, le directeur général du Lightning de Tampa Bay, pour une transaction assez intense qui permet au Canadien de Montréal de mettre la main sur Jonathan Drouin, qui est un ancien choix de première ronde, troisième au total. C'est l'année de Nathan MacKinnon, Seth Jones. Fait que dans le fond, dans le top 4 cette année-là, même dans le top 11, si on compte Forsberg, il y a déjà comme trois transactions, là. Fait que c'est assez intense. Ça inclut donc Jonathan Drouin, un sixième choix conditionnel contre Mikhail Sergachev, qui était le neuvième choix au repêchage de l'an dernier du Canadien de Montréal, et un deuxième choix conditionnel. C'est le deuxième choix, c'est celui de Washington en 2018. Donc c'est un de ceux qu'on a reçu dans la transaction pour Lars Seller. Et la condition, c'est si Mikhail Sergachev joue 40 games dans le show l'an prochain avec la formation de Tampa Bay, si ces 40 matchs-là sont atteints, le deuxième choix de Montréal s'en va à Tampa Bay et le sixième choix de Tampa Bay s'en vient à Montréal. Sinon, les choix, on enlève ça de l'équation. Donc, ça serait Sergachev contre Drouin si Sergachev joue pas 40 games dans la Ligue nationale l'an prochain. Fait que ça, c'est la transaction. En gros, en tout et partout. Là, je veux savoir, tu sais, t'as parlé de un futur plus safe, l'autre moins safe. Donc, t'es-tu satisfait de cette transaction-là par Marc Bergevin? Ben écoute, pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis loin d'être un fan de Marc Bergevin. C'est loin d'être mon DG préféré. Par contre, aujourd'hui, la transaction du jour, pour moi, ressemble à un coup de circuit. Parce qu'il a été se chercher un vrai attaquant top 6. Man, s'il va fort avec un coup de circuit, je suis pas sûr. Ben écoute, attends un peu, là. Il est allé se chercher un vrai attaquant top 6. Je peux pas croire que je suis en train de défendre Marc Bergevin, mais bon, ça fait partie de la game. Donc, il est allé se chercher un vrai attaquant top 6. Et Jonathan Drouin peut jouer... Oui, c'est un ailier gauche, mais Jonathan Drouin a déjà joué à droite. Jonathan Drouin a joué au centre. Donc, tu vas te chercher un gars qui est versatile, qui est capable de jouer aux trois positions à l'avant, tout en étant capable de jouer à la pointe pendant ton power play. ce qui n'est pas à dédaigner, si tu es capable d'avoir un Drouin sur ton power play pour la remettre à la garnotte à Weber, c'est un autre gros plus. Donc, pour moi, parce que c'est sûr qu'on va en jaser pendant tout le podcast, là. Moi, j'avais des gros points d'interrogation sur Sergachev. Je suis pas en train de dire que Sergachev n'est pas bon, mais je doute de la constance du bonhomme. Je sais qu'il est très jeune encore, mais j'ai des gros doutes. Mm-hmm. Je pense que c'est ce qui a causé cette transaction-là, parce que rappelez-vous, pendant la Coupe Memorial, les dirigeants du Canadien ont été là tout le tournoi. Ouais, ils ont été là tout le tournoi. Il y a eu un tournoi en dentis. Ouais, je sais qu'il y a du monde qui disait que l'intensité n'était pas tout le temps là. Moi, tu dis un coup de circuit. Un coup de circuit, ça veut dire domination totale. Ça veut dire, McDonough et Gomez, mais écoute, les Rangers ont vraiment eu le dessus dans cette transaction-là. C'est pour ça que moi, je suis pas sûr. Tu sais, Sergachev, là. Hier matin, là, tu t'aurais demandé à n'importe quel fan du Canadien de Montréal et il t'aurait tout dit, c'est le meilleur potentiel de talent chez le Canadien de Montréal. Ça, c'est indéniable. C'était le meilleur. Là, ça doit être Jolson. C'est-tu Sherbach? Oui. On est comme plus sûr, là, tu sais. C'est qui le meilleur prospect? Tu sais, Marc Bergevin, là, en conférence de presse, il a déjà dit, j'en ai cinq, là, des top prospects. Là, il y en a quatre. Je vous le dis tout de suite, là, il y en a un de moins. Fait que, tu sais, Sergachev, s'il remplit des promesses qu'il a, tu sais, avec le potentiel qu'on voit en lui, ça ne sera pas un coup de circuit. Ce sera une bonne transaction qui aura permis aux Canadiens de Montréal de mettre la main sur un très, très, très, très, très, très, très bon joueur d'attaque, mais en payant le coût d'un bon défenseur, voire un très bon défenseur qui est à venir. Pour moi, c'est pas un coup de circuit, là. C'est ta définition de coup de circuit que moi qui m'accroche un peu, là. Je dis pas que. C'est qu'on a peut-être pas la même définition du coup de circuit. Ah, peut-être. Pour moi, si je regarde du côté du Canadien, c'est un coup de circuit parce que si on garde toujours en tête la fameuse fenêtre, là, OK? La fenêtre, on va se le dire, il reste quoi, deux ans, cette fenêtre-là? Il reste un an parce que... qu'il y a Price, là. Il y a Price, ouais, qu'il faut signer. C'est ça. Mais on va être généreux puis on va donner une deuxième année. Ben okay? Non, on n'est pas généreux. Il reste un an. Mais bon, OK, d'abord, si tu y vas avec un an, c'est encore plus simple. Qui est-ce qui va t'aider à... Qui est-ce qui a le plus de chance à t'aider à aller chercher une Coupe Stanley en 2017-2018? Ah oui, Drouin. Oh oui, là-dessus. C'est parce que si tu me dis transaction, coup de circuit, moi je prends transaction, j'évalue le talent, j'évalue ce qu'on a, ce qu'on donne, puis je regarde, y a-t-il un coup de circuit là-dedans? Non. Si tu me dis, l'objectif de la transaction, c'est de gagner à court terme, puis on a déjà vu le Canadien de Montréal dire ça de d'autres transactions auparavant, puis tu sais, court terme, c'est très, très court. Ouais. Tu sais, on voit que hein, c'est pas toujours le cas. Oui, donc, si on regarde un horizon de la prochaine saison, c'est sûr que le Canadien a l'avantage. Drouin est établi dans le show. Sergachev, non. C'est ça, puis tu sais... N'empêche qu'on parle quand même d'un gars de 19 ans et un gars qui vient tout juste d'avoir 22 ans. Là. Oh oui, gars, c'est un tweet vraiment que... deux gars... Ça reste deux prospects pareils, sauf qu'il y en a un qui est NHL ready, qui a déjà commencé, qui a eu une saison de plus de 50 points en dessous de la cravate déjà. Tu sais, il faut lui donner ça. C'est surtout une transition... Et où est-ce que c'est... Et pour moi, où est-ce que ça représente un coup de circuit, c'est que Marc Bergevin a réussi à aller chercher son attaquant top 6 en ne surpayant pas sur le marché des joueurs autonomes pour aller chercher un joueur de 30-32 ans dont les meilleures années sont derrière lui et sans toucher à son noyau direct de sa formation. On est d'accord. Ça, là-dessus... Donc, si on regarde le Canadien de la fin de la saison... Et le Canadien aujourd'hui, avec ce qu'on en sait, là, on ne sait pas ce qui va se passer avec Radulov et tout, mais si on regarde avec seulement l'addition de Drouin, le Canadien est une meilleure équipe. Oui, mettons qu'on prend l'alignement de la dernière saison, Drouin en ajout, parce que Sergachev n'était pas là, c'est sûr que c'est un meilleur club. Marc Bergevin a pas chômé, c'est pas la seule affaire qu'il a faite en cette journée du 15 juin. Il a aussi signé Drouin pour un contrat. 6 ans, 5,5 millions de dollars. Je veux tes commentaires là-dessus. Moi, écoute, pour vrai, Marc Bergevin, je suis pas le plus grand fan. Je suis pas le plus grand fan des contrats qu'il signe. À part celui de Pacioretty, il y a peu de contrats qui ont tourné à son avantage depuis qu'il est en place. Jonathan Drouin à 5,5 pendant 6 ans. Wow! C'est tout un contrat. Écoute, je me rappelle que l'année passée, c'est l'année dernière que Jonathan Huberdeau avait signé son contrat aussi, qui est un contrat similaire. Je pense que Huberdeau, c'est aux alentours de 5,85 par saison pendant 6 ans aussi. Donc, on parle d'un contrat similaire. Donc, c'est une excellente signature. Moi, si tu m'avais dit que tu serais capable d'aller chercher Drouin, de le faire signer pour 6 ans puis que ça te coûterait en bas de 6, j'aurais eu des gros doutes. Écoute, en toute honnêteté. On regarde les comparables, OK? On jase, là. Même année de repêchage, Sean Monahan, 22 ans, 6,375 000 par année. Donc, 6,375 000 pour là aussi, là, c'est un 6 ans. Johnny Gaudreau, 6,750 000. Il y a 23 ouais. ans, 5 ans, lui, à la place. Jonathan Huberdeau, lui, c'est 5,9. Il y a 24 ans, donc déjà plus vieux. Tu sais, en termes de comparables, on est dedans, là. Tu sais, Barkov, il est à 5,9 aussi. Lui aussi, c'est 5 ans encore qu'il reste à son contrat. Jonathan Huberdeau, moins cher, mais en même temps, il n'y a pas les chiffres des autres. Moi, le gros avantage que je vois là-dedans, c'est la négociation, s'il y a pour maintenir un gars comme Alex Gatchenok avec le Canadien de Montréal, ben tu viens de mettre des sapristis de barème, là. Ben c'est ça, parce que dans le fond, tu viens de lui couper l'herbe sur le pied si lui s'attendait à avoir 6,5. Exact. Parce que là, faut que tu te dises, ben là, OK, oui, Alex Gatchenok a eu une saison de 30 buts, chose que Jonathan Drouin n'a pas derrière la cravate encore. Non. Mais Gatchenok est un an plus vieux aussi. Donc, c'est toutes des choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Et Drouin, on va se dire les vraies choses, c'est sa première vraie saison dans la NHL. Il faut que Marc Bergevin soit sûr de sa shot, là. Tu sais, c'est pas un gros gaillard, là. Il est à 5 et 11. Si tu t'attendais à ce que... Parce qu'il y a beaucoup de gens, là, puis Marc Bergevin a mentionné à la conférence de presse qu'il avait pris ça en compte, que le fait que Drouin puisse jouer au centre, ça avait été, tu sais, on avait regardé ça, ça avait été un point positif. D'ailleurs, il s'est pas commis. C'est Bobul qui va décider... c'est le coach qui va décider quelle position qu'il va jouer. Il s'est pas mouillé, il a pas dit qu'il allait jouer au centre, mais c'est pas ton fameux gros premier centre qu'on attendait, là. La solution est pas encore trouvée, là. Puis tant qu'à moi, Alex Gatchenok est encore plus un centre que Jonathan Drouin, parce que si on regarde les comparaisons, là, le différentiel, cette année moins 5 pour Gatchenok, cette année à Tampa Bay pour Drouin moins 13. L'année d'avant, on parle d'un plus 1 en 21 matchs pour Drouin, puis moins 8 pour Gatchenok. Mais tu sais, pas de saison de 30 buts. Le Canadien, on s'entend-tu que l'an passé, c'était pas un gros char. Normal qu'un gars se ramasse avec un moins 8, là, la saison de misère qui a permis d'aller chercher Sergachev au repêchage. Tu sais, on a terminé des bas-fonds, là. Tu sais, c'est pas pour rien. Oui, tout à fait. Tu sais, fait que... Tu sais, en termes de comparables, joueurs défensivement, là, les deux sont comparables. Gatchenok a plus de points au compteur, pas mal. Drouin, tu sais, il n'y a pas tant de vécu là, dans la Ligue nationale. Là. Non, c'est ça. Il y a 95 points, je pense, en 164 games, ouais, c'est ça. Donc, en équivalent de deux saisons. Ouais. Dont une saison, il y a eu quoi, 53 points cette année? 53 points cette année, Gatchenok en a 44 en 61. Donc, si on extrapole sur des saisons complètes, on parle de saisons assez équivalentes pour les deux. Moi, ce que ouais. Écoute, là, je vais mettre la main peut-être dans le broyeur, là, puis les gens vont pouvoir utiliser ça pour me torpiller salutante après, là. Mais pour moi, Alex Gatchenok n'est pas un plus mauvais joueur que Jonathan Drouin, là. Pour moi, c'est extrêmement comparable. Et si le Canadien de Montréal veut vraiment faire un pas dans la bonne direction, se doit de signer Alex Galchenyuk. Peut-être à... Écoute, je pense pas qu'il peut négocier plus bas que Drouin, là. Avec les chiffres qu'on voit, l'âge de la situation contractuelle, ça va être pas mal autour, là. 5,5, 5,6, puis tu le signes pour 6 ans. Puis là, ben écoute, t'as deux des trois éléments d'une future première ligne très intéressante là en main. Là. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, le seul petit bémol que j'ai, et parce que ça en prend un, c'est on a vu Jonathan Drouin revêtir son beau chandail numéro 72. Je me demande si c'est la seule fois qu'il va porter le 72. Ben ça, c'est un truc que j'avais pris en note, hein? 72 et non pas 27. Est-ce que c'est parce qu'on a voulu ne pas laisser planer un doute sur le fait que Galchenyuk serait plus là pour porter le 27? Ou ouais. Si c'est un indice à l'inverse que Galchenyuk va rester puisqu'on ne donne pas son numéro? Oui, c'est sûr, mais écoute, c'est là le gros point d'interrogation parce que moi, si tu me dis « OK, on a fait cette transaction-là », pour réunir Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin, je te dis go for it, parce que dans tes comparables, oui, on peut comparer les points et tout, sauf que les comparaisons s'arrêtent là. Les deux joueurs ont des styles de jeu assez différents. Drouin est un patineur extrêmement rapide. Il a des mains extrêmement vives, tout comme Alex Galchenyuk, par contre. Mais il a une vision du jeu qui est incroyable. Moi, c'est ce que j'ai toujours adoré de Jonathan Drouin. Mais c'est là que les deux ils vont se compléter. Drouin, c'est le passeur. Galchenyuk, c'est le sniper. Exactement ça. Un peu ce qu'on voyait quand on fait jouer Galchenyuk avec un bon fabricant de jeu, comme on l'a vu en début de saison avec Radulov, ça faisait des flamèches, là. Parce que Galchenyuk, même s'il est capable de réaliser des beaux jeux, des belles passes, il a une bonne vision du jeu. Pour moi, c'est pas mal plus un sniper. Ah oui, puis c'est pas le plus rapide. Hein. Tu sais, quand il a la rondelle, il n'est pas au meilleur de ses capacités. Non, en effet, c'est pas le meilleur pour se transporter. Et c'est dans les forces, justement, de Jonathan Drouin. Donc, si le Canadien a cette vision-là de pouvoir mettre ces deux gars-là ensemble, puis de leur trouver un centre qui pourrait les compléter. Tu sais, justement, un genre, que ça soit un Dano, un Hudon, si tu décides que ces deux gars-là, c'est pas des centres, là, si tu décides que Drouin et Galchenyuk, c'est pas des centres, ça va te prendre un gars qui va être capable d'aller leur chercher à la puck dans les coins, un genre de grinder. Ouais, je suis pas si sûr. Eux autres vont faire le show après ça. Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il faut que tu mises offensive au grand complet, puis ça va juste permettre que les défensives adverses se concentrent sur eux, puis ça va ouvrir la porte à ton deuxième puis troisième trio, ou premier, troisième, là, dépendamment où est-ce que tu veux placer le trio de Drouin, Galchenyuk. Puis moi, ce que je verrais, c'est Galchenyuk au centre ou Drouin au centre, là, gars. Je m'en contre-calisse, là, lequel que tu mets, tu sais, comme étant le C, là, pour prendre la mise en jeu. Je m'en sac, OK? Mais un des deux, name it, OK? Choisis, vas-y comme tu le sens, là. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis tu vois, tu sais, moi, mon équipe, c'est les Oilers. Puis le meilleur des exemples, c'est Drysdale et McDavid. Je dis pas que Drouin et Galchenyuk sont de même calibre, là. Mais c'est deux joueurs de centre qui jouent ensemble. Ben oui. Puis tout dépendamment du côté que la mise en jeu se fait, de qui est à la mise au jeu et tout, ben McDavid puis Drysdale vont s'échanger ça, puis ça marche, puis il n'y a pas de problème. Ça donne cette latitude-là. Puis c'est pour ça que, tu sais, je trouve ça intéressant de te nommer Hudon pour venir avec eux sur la 2. J'achète, je trouve ça intéressant. Sinon, écoute, on a Drouin qui est un excellent passeur, on a Galchenyuk qui est un sniper aussi. Moi, à la droite, là, je verrais Lekkonen. Ce qui donne comme deuxième trio Drouin, Galchenyuk, whatever, lequel tu mets à gauche puis au centre, Lekkonen sur la 2 et sur le premier trio, laisse Dano, là, Pacioretty capote dessus, Dano au centre avec Pacioretty à gauche et Radulov, admettons qu'il revient. Fait que t'as tes deux premières lignes et c'est assez intéressant, là. T'as une attaque qui est diversifiée et t'as plus de casse-tête de savoir c'est qui ta première, ta deuxième, on s'en sac, les deux lignes sont capables de produire. C'est sûr, mais ça serait peut-être pas mauvais aussi de leur mettre un des fatigants avec eux autres, que ce soit Gallagher ou Shaw. Ils ont des mains en béton. Que c'est... À part aller chercher à Puck dans le coin et se faire frapper, là, qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Ben, c'est des... tout ce que tu as besoin de faire. Quand tu as ces deux alliés-là, là, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Alors, regarde, je te ramène à l'exemple des Oilers. Man, ça patine comme le vent. Mets-le pas des roches dans les poches. Ben, parce... qui joue avec Drysdale et McDavid? C'est Pocajan ou... l'autre, là, j'ai oublié le nom, là, c'est un des rudes, là. Voyons. On a le même blanc, hein? Ouais, c'est comme le même blanc, là, mais bref, c'est pas... Tu sais, c'est un gros bonhomme qui est loin d'être rapide du tout, mais avec des mains de ciment, mais qui a quand même fini à 22, 23 buts quand même. Tu sais, c'est Maroon qui joue avec eux autres. Merci. Oui, donc, tu sais, ça peut fonctionner aussi, là, tu sais, puis c'est... Man, c'est il y a 27 buts cette année, 15 passes. Tu sais, 15 passes, là... Il y a des mains de béton. C'est parce que c'est pas lui qui allait la chercher. Tu sais, McDavid disait, là, sa mise en jeu, « Condis-toi à 99, condis-toi à 99, condis-toi à 99. » Puis là, il tirait. C'est exactement ce qu'un chat ou un Gallagher fait. Ouais, mais il a pas le 16 pour venir faire ce job-là. Tu sais, moi, ça me dérange pas, mais d'avoir un gars qui a ce rôle-là, mais même moi, un gars qui est capable de rester en avant du net, parce que ça va être ça, sa job, se mettre le nez dans le trafic. Gallagher, on va-tu s'entendre que Gallagher... Et la majorité des défenseurs de la Ligue le disent. C'est pas nécessairement le plus gros, mais c'est un des plus durs à tasser. As-tu déjà vu les cuisses de ce gars-là? C'est des troncs d'arbres. Il est fort comme un ours. Il est tout petit, là, mais il est fort comme un ours. Il est dur à tasser. Il est fatigant. C'est une plaie d'Égypte. Là. Et, t'sais, mais regarde, c'est laquelle des plaies d'Égypte? Les sauterelles ou la famine? Ah, moi je pense qu'il est les deux enrobés en un. Il te donne faim, puis après ça, il vient te bouffer en tant que sauterelle. Ouais, ouais. C'est ça. Mais c'est ça. C'est sûr que ça t'ouvre plein d'opportunités. Mais ça dépend beaucoup, tu sais, parce que ça reste qu'il y a des points il y a des gros points d'interrogation dans la semaine à venir. Le dossier Radulov, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mm-hmm. Est-ce que Alex Galchenyuk, tu sais, bien sûr, on parle que c'est Alex Galchenyuk qui est pas là. Si Galchenyuk est là. Mais qu'est-ce qui se passe s'il est pas là? Puis qu'est-ce qui se passe si en plus, si Radulov est plus là? Oh, là, tu te retrouves plus. Là, tu te retrouves avec un top 6 qui est plus si top que ça. Là. Mais pourquoi que ces gars-là pourraient ne plus être là? Je veux suivre ta ligne de pensée. Il y a le repêchage d'expansion, mais il y en a un du lot qui va partir. Il n'y aura pas 60. Là. Non, mais regarde bien. Radulov. Moi, je pense qu'il revient pas, là, by the way. Là, mais... Ben, moi aussi, je pense qu'il ne revient pas. Là. Puis ça peut être à court terme, c'est une mauvaise chose pour le Canadien. À long terme, ça peut être une bonne chose, puisque les dernières années de son contrat vont sûrement être lourdes à porter. Mais Galchenyuk, c'est lui, là. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. On ne sait pas c'est quoi son futur avec l'organisation. Puis c'est ça qui est un peu un point d'interrogation. Moi, ma première réaction, quand j'ai appris pour la transaction de Jonathan Drouin, je me suis comme, OK, Galchenyuk qui est plus là. Demande-moi pas pourquoi c'est la première chose que j'ai pensé. Ben, ils ont tellement été reliés les deux que c'est normal que notre ligne de pensée se dirige vers Galchenyuk, là. Ouais, puis j'ai lu à quelques. Ben, il y en a beaucoup qui parlent de aller chercher Jonas Brodin. Ouais, parce qu'il y a un surplus de défenseurs au Minnesota. Moi, écoute, je miserais pour chez Théodore. En Aïn. Qui a un top 6 encore plus solide. Fait que eux autres, c'est ça, ils vont perdre un def. Moi, qui n'est pas un mauvais choix, en effet. Qui est plus jeune. Oui, aussi. Écoute, ça va beaucoup bouger dans la prochaine semaine. Moi, j'espère que le Canadien n'a pas lancé la serviette dans le cas de Galchenyuk. Surtout avec l'arrivée de Jonathan Drouin. Il me semble que un duo de 27-72, ça écoute, ouais, parce moi, j'y crois. Hey, puis tu sais, il faut juste imaginer là, que Galchenyuk signe pour 6 ans aussi. Là, t'as 6 ans, là, tu vas avoir un des duos les plus électrisants de la Ligue. Ah, mais ça, c'est si Claude Julien et Marc Bergevin décident qu'ils lui donnent la latitude de faire ce qu'ils veulent, tu sais. C'est pour ça que moi, je les place sur un deuxième trio, même s'ils vont faire probablement plus de points. Mais les responsabilités défensives, c'est moins important dans le deuxième. Le premier trio, semble-t-il, c'est les deux. Fait que, tu sais, mets bonhomme en avant, là, puis les kids vont se mettre en arrière. Oui, et au pire, aller, si ça fonctionne pas dans le système de Claude Julien, mais tu vas avoir une quatrième ligne incroyable avec Mitchell au centre de Galchenyuk et de Drouin. Tu vas avoir une quatrième ligne. Ah, ça serait malade. La meilleure quatrième ligne au monde. Écoute, ça va être complètement fou. T'sais, mais non, mais regarde, t'sais, comme on fait bien des blagues, là, mais écoute, c'est une belle transaction. Je pensais pas. Comment je peux te dire ça? Je pensais pas que Marc Bergevin avait ses couilles-là. L'année passée, le trade de l'année passée, regarde, on reviendra pas nécessairement dessus, mais c'était un trade qui était, en parenthèse, plus facile à faire parce que tu te débarrassais d'un gars qui était, oui, aimé par 50% de tes fans, mais t'avais un 50% de tes fans qui le détestaient aussi. Ah oh ouais. Puis tu sais, pour aller chercher un excellent défenseur. Ah oh ouais, chez Weber arrive avec un aura, c'est plus facile à vendre. Gars. C'est oh ouais. C'est ça. Donc cette transaction là était probablement plus facile à peser sur le piton puis dire ok go. Celle d'aujourd'hui, je suis quand même surpris parce que tu sais, Bergevin il a toujours dit Tu sais, moi, t'sais, les prospects, je suis pas prêt à me débarrasser du futur puis rien. Ouais, mais tu sais, à 22 ans, Drouin. Mais c'est ça. C'est ça. Il s'est pas débarrassé du futur. Mais on sait aussi que sa maxime préférée à Marc Bergevin, des défenseurs, t'en as jamais trop. Mm-hmm. Mais il en même vient temps. D'échanger son meilleur prospect en défense. Ouais, mais gars, c'est parce qu'il va aller en signer 72 là, cette année encore. Là. Jarabek s'est commencé. Il en a signé au moins 3 pour la Ligue américaine puis l'East Coast League là, déjà. Il y en a pas trop là. J'aimerais ça regarder avec toi le repêchage d'expansion parce que là, il y a Vegas là, dans le collimateur. Là. Puis ça amène. Tu sais, t'as parlé de Brodin tantôt, on a parlé de chez Theodore comme des transactions possibles. Si, tant qu'à te débarrasser de Galchenyuk, qui pour moi doit avoir une bonne valeur, là, je comprendrais pas pourquoi il n'en aurait pas une bonne, vu ce qu'il a fait jusqu'à maintenant comme pour générer des points dans la Ligue nationale. Mais ça, c'est parce que, tu sais, c'est parce qu'il y a un repêchage d'expansion, puis il y a des équipes qui se commencent dans le trouble, ils ont trop de défenseurs. S'ils gardent. Mettons qu'on dit que Galchenyuk reste avec l'équipe, les éléments qu'on a en place en ce moment, on regarde le repêchage d'expansion, on fait notre liste de protection. Bien entendu, Jonathan Drouin, on le protège. Max Pacioretty, ouais. Gallagher, Galchenyuk. Ouais. Après ça, là, ça commence à être déjà. Ben, tu sais, Charles Hudon, tu viens de le signer. C'est-tu pour pouvoir le laisser partir? Je sais pas. Paul Byron, tu le protèges-tu? Paul Byron, ben probablement. Probablement. Dano aussi. Dano, donc là, t'es rendu à 7. Je suis rendu à 7. Là-dedans, moi, j'ai pas protégé Plekanec et Andrew Shaw. Moi, je pense qu'Andrew Shaw, Marc Bergevin va le protéger parce que c'est sa signature, c'est son move. Mais à 3,9 millions pour un gars de troisième trio qui a rien cassé cette année, qui a 25 ans, qui a déjà quelques blessures au compteur, je pense pas qu'il va partir. Je pense qu'un Plekanec a plus de chances de partir avant. Puis les défenses. Moi, continue, vas-y. Ben, moi je pense. Je suis d'accord avec ta liste, sauf que je pense que j'interchangerais Hudon et Shaw. OK. Ça serait pas mon choix à moi, mais si tu me demandes de prédire le choix de Marc Bergevin, je pense que c'est ce qui va se passer. Okay. Parce qu'il vient de donner deux second round picks pour Andrew Shaw. Là. Ah ouais, mais gars, c'est lui qui avait pas, il est qu'à pas faire des transactions de marde, là. Oui, mais c'est justement, tu sais, c'est pas le gars à piler son orgueil vraiment. Ah non, je le sais. Ses erreurs. Là. OK, bon, on voit très bien avec la situation de Sylvain Lefebvre. On mène Drew Shaw. OK, bon. En défense, chez Weber, c'est un no-brainer. Petrie, ben, tu sais, il a sa clause. Après ça, le troisième, là. Suéminine, non. Écoute, il y a du monde qui s'agace de le racheter. Hey, il a passé le trois quarts de la saison avec chez Weber, c'est la première paire, puis on veut le racheter. C'est moi où il y a un problème dans, dans tout ça, là. Soit le gars, il jouait sa tête, puis tout d'un coup, il a arrêté de jouer sa tête, ou il est pas bon depuis le début, puis chez Weber le faisait bien paraître, puis les gens ont tombé dans le panneau. Dans les deux cas, Emeline n'est pas bon. Peu importe ce qu'on choisit comme, de, comme histoire. Après ça, le troisième, tu protèges qui? Jordy Benn ou Nathan Beaulieu? Moi, je protège Beaulieu. Oui. Okay. Si tu le demandes à Sylvain Rioux, l'amateur de hockey, je pense que... Écoute, moi, j'aime beaucoup Beaulieu. Je trouve que c'est un gars qui n'a pas eu sa chance. On parle de problèmes de attitude pis de le kit. Mais moi, quand chez Weber est arrivé ici, encore là, la première pensée que j'ai eue, j'ai fait comme, OK, c'est lui qui va s'occuper de faire de Beaulieu un vrai défenseur top 4. Dans ma tête, c'était ça. Écoute, ils ont eu trois games ensemble. Puis après ça, moi, je me disais, bon, mec, Beaulieu, soit prêt. Il va être correct pour descendre sa deuxième paire. Puis, Weber va faire la même chose avec Sergachev. Là, il ne se passera rien de ces deux affaires-là. C'est ça, mais... non, mais écoute, ça, je ne comprends pas. Moi, là, en toute honnêteté, là, que le gars se défonce la face comme il veut à l'extérieur de la glace, là, je m'en fous. Son compte Instagram, je m'en fous. T'sais, il peut faire ce qu'il veut. Tant qu'il se présente à la game, puis que quand il rote, que ça sent pas encore le lendemain de veille, puis qu'il est capable de mettre les patins dans le bon pied, puis t'sais, d'aller se vider sa glace, je me sac de sa vie privée. Comprends-tu? Mm-hmm. Et c'est là mon problème d'attitude. Pis, ben justement, t'es pas supposé avoir des leaders dans cette équipe-là. Pour ramener ces gars-là. Ouais, on n'a jamais eu autant de leaders. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que, hey, on avait du leadership, ça avait pas de bon sens. En première ronde des séries, le monde s'est endormi. Ben oui, mais c'est ça. T'es deux de tes leaders, là. Deux de tes gars avec des lettres, le 14 et le 67. C'est pas des gars qui sont reconnus pour être des money players, tu sais, qui se présentent quand ça compte, puis tu sais, ils se défoncent, puis tout. Ils sont pas reconnus pour ça. Puis ils l'ont prouvé encore une fois cette saison. Ouais. Tandis que, tu sais, je sais que toi, t'es un gars de stats, puis t'as probablement tout ça d'ouvert en avant de lui, mais regarde des stats en playoff de Jonathan Drouin. Si je me trompe pas, c'est 13 points en 17 games. Il y a 14 points en 23 games. Bon, 14 en 23, mais je pense que l'année passée, c'était 13 en 17, en tout cas. Il était 14 en 17 l'an passé et 0 en 6 à sa première saison, là, si on s'entend. Okay. Là. De 14 en 17, on va s'entendre. Oh, ouais, c'est solide. Un kid qui avait 20 ans à l'époque. Hey Sylvain, essaye de faire attention de ne pas mettre le micro dans ton gilet ou quelque chose comme ça. Excusez. Des fois, on perd. Excusez, je ne sais pas ce qui se passe. Tu sonnes comme dans une laveuse sécheuse. Ah, ben. Fait que. Ouais, ben, tu sais, c'est parce que c'était ma cachette, mais bon. Non. Je passais à des podcasts, mais on me cachait de ma femme. Ouais, c'est ça. Mais, voyons, du coup, je disais, là, hey, quel dérape. 14 points en 17 games, donc, très, très bonne performance pour Drouin en playoff. Puis, à la Coupe du Monde, l'année passée, Drouin, il y a eu un bon tournoi aussi. Oh, oui. Tu sais, c'est un gars que dans les compétitions de même, tu sais, on l'a vu à la Coupe Memorial, il y avait eu un bon tournoi. Tu sais, c'est un money player. C'est ça. Moi, ça reste. Moi, j'ai. moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le 14 et le 67. Je ne suis même pas capable de nommer leur nom. Ils me lèvent le cœur. C'est ça. Je suis comme pas capable. Ces deux gars-là, ils me puent au nez. Mais bon, c'est les hommes de confiance de la direction. Puis il faut que les fans du Canadien deal avec. Moi, écoute, on parlait de notre protection. J'en reviens là-dessus. Là. Tu me disais Chat ou Hudon. Puis moi, je prenais Hudon. Mais il y a un indice. On vient de le signer pour 2 ans, one way, Ligue nationale. Attends un peu, il y a un astérisque là-dedans. Oh. La première année de ces 2 années-là, et c'est ce que Mathias Brunet disait un petit peu plus tôt aujourd'hui au 91-9, quand le contrat va sortir, c'est lui qui a sorti ça, que la première année, c'est un two-way. Okay. Et la deuxième saison, c'est un one-way. OK. Donc, cette année, il peut s'attendre à faire encore l'aller-retour entre Montréal et Laval. C'est déjà moins pire que Montréal et Saint-John's. Oui, parce que moi, j'avais l'impression que c'était pour décourager, mettons, Vegas. Parce que là, tu te ramasses avec un gars que tu es obligé de payer plein prix dans la Ligue américaine s'il fait pas le job. Oui, oui. Mais de toute façon, moi, je pense... Moi, là, j'ai un gros feeling sur quel joueur du Canadien va être réclamé par Las Vegas. Oh, ben vas-y, écoute, je prends ça en note. Le 88, Brandon Davidson. Ouais. Ben, ça sera pas une grosse perte. Je suis pas mal convaincu. Ben, ça sera pas une grosse perte. Encore là, je l'ai vu jouer beaucoup cette année quand il jouait pour Edmonton. Ouais. Il n'y a rien de flashy sur ce gars-là. Un peu comme Jordy Benn, tu sais, il n'y a rien de flashy, mais il est efficace. C'est le genre de gars que tu veux avoir dans ton top 6. Un peu comme à l'époque, ce que Josh Georges était. Il n'y a rien de flashy dans ce gars-là, mais bloque des lancers, il est intelligent. J'ai comme un drôle de feeling que ça va être lui. Ben, je te dirais que moi, j'ai plus l'impression que ça va être un attaquant pour la simple et unique raison qu'il y a plusieurs clubs qui sont coincés parce qu'ils ont beaucoup de bons défenseurs, à moins qu'il arrive des transactions là, puis le ménage réussisse à se faire. Là. Mais Vegas, une des forces dans les simulations que moi j'ai fait là, sur, entre autres, Cap Friendly, là, c'était la défensive là, qui se ramassait être vraiment intéressante. Là. Fait que, tu sais, Davidson passerait après ce monde-là, ouais. Tu sais. Mais peut-être que je me trompe, là. C'est fort possible. Non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai pas fait cet exercice-là. Là. Je vais probablement le faire quand les vraies listes vont être sorties, là, quand on va savoir les listes de protection et tout. Peut-être que je vais m'essayer à le faire pour voir, là, juste pour le fun comme ça. Mais non, c'est ça. Mais sinon, toi, qui tu verrais partir chez le Canadien? Partir chez le Canadien, ben là, si Hudon n'est pas protégé, ça va être Hudon. Moi, je pense que la formation de Vegas va vouloir aller chercher le maximum de talent chez des jeunes joueurs. Sinon, dans les... Écoute, il y a des rumeurs qui parlent de la Rose. C'est vrai qu'il est jeune et il est bon dans les missions défensives, ce qui va être nécessaire aussi de venir combler chez la formation de Vegas. Fait que ça serait vraiment ça. Et en défensive, ben tu sais, si le Canadien tombe dans le panneau de protéger Méline ou Ben, Beaulieu va être une meilleure option, là. Ouais, mais moi, je pense que Beaulieu, comme les rumeurs ont commencé à circuler beaucoup, moi, je pense pas que Beaulieu finit la semaine à Montréal d'une façon ou d'une autre. Je serais déçu parce que le gars présente des chiffres fort intéressants dans plusieurs colonnes. Donc, puis tu sais, je l'ai déjà fait sur le show, là, les gens qui suivent la POC, qui suivent le Facebook de la POC aussi, le savent, là, moi puis Jerry, puis tu sais, on aime bien les outsiders que sont Beaulieu et Galchenyuk, parce que statistiquement, ils génèrent des chiffres plus qu'intéressants, donc moi je serais déçu. Ben, moi je serais déçu, mais je serais content pour lui, parce que peu importe où est-ce qu'il va aboutir, selon moi, ça va être le genre de défenseur que les gens de Montréal vont regarder pour le 4-5-1. Ils vont faire comme... Mais voyons donc, pourquoi qu'on ne l'a pas gardé? Tu sais, puis la liste est longue de ces joueurs-là à Montréal. Là. Pourquoi je ne suis pas surpris? Tu sais, mais écoute, moi, c'est ce que je vois aussi. Et c'est un peu ce que je vois quand on parle d'échanger Alex Galchenyuk. Je me dis, mon Dieu, que vous allez vous en mordre les doigts. Ah, oui, vraiment. À moins que... À moins que ce soit un Brodin ou un Theodore ou quelque chose comme ça qui est vraiment bon défensivement pour venir combler la perte de Sergachev, là, écoute, on jase. Là, si tu y vas talent pour talent, moi, j'ai pas de trop. Pour moi, là, un club de hockey, là, c'est comme un jeu d'échecs. T'sais. Si tu as trop de pions, ben ça se peut que ce soit un bon deal de remplacer deux pions pour une tour. J'ai pas de trop. Va chercher de l'arsenal pour ce que tu as besoin. Mais tant qu'à le perdre, parce que là, on l'a tellement rabaissé à Montréal qu'on a l'impression qu'il vaut plus rien, tant qu'à l'échanger pour une poignée de sable, ben gardez-les, tu sais. Ben oui, ça, je suis en accord avec toi. Mais tu sais, je sais pas si à quel point que Marc Bergevin, justement, pourrait pas appeler McPhee en lui disant « Hey, ça te tente pas de ramasser le 14, puis gars, tu m'as donné un deuxième choix avec ça. » Eh, prêt. Ça coûte cher, hein? Coûte cher pour donner quelqu'un? Ça coûte cher, mais écoute, tu viens de te sauver un 6 millions de cap, là. Oui, non, ben, excusez, là, je suis en train de pousser. Bon, oui, tu sauves de l'argent, mais Vegas vont. Tu sais, maintenant, c'est parce que tous les clubs se disent, ah, m'a dompé un salaire. Vegas, ouais. C'est pas bon, capiton, là. Non, mais c'est justement, c'est là que, hey, ils vont avoir le beau jeu, là, parce que. Oui. Tu sais, si on se rappelle de l'année passée, là, l'échange de Chicago, Brian Bickle. Qui avait-tu donné Teravainen pour qu'il accepte de prendre le contrat de Bickle, ben Vegas vont en avoir plein d'offres du genre. Là. Oh, hey, eux autres, là, ils vont être morts de rire. Là. Puis tu sais, un gars comme Plekanec, là, moi je suis George McPhee, là, tu m'arrives avec un deal de même, là, avec t'as pas de quoi, là, avec un deuxième choix, ou ben whatever, là. T'sais, ou avec un bon jeune, je le prends, surtout qu'il reste un an de contrat seulement. Tu sais, t'es pas pogné avec pour les 5 prochaines saisons, là. Oh oui, vraiment. Il te reste un année, là. C'est comme, hey, viens ici, mon Tomash. On, tu sais. On s'occupe de toi. Tu sais, ben, viens-t'en, tu vas voir, on va te mettre. On va te mettre un peu de paillettes sur ton col roulé. Welcome to Las Vegas. Puis, on va te donner une coupe de jetons pour aller au casino. T'es déridé un peu. Là. Voilà. Viva Las Vegas. Puis, ah ouais, donc. Hey, j'ai le goût de faire un petit peu le tour de la Ligue nationale. En date du 15, on a déjà des mouvements, des tentatives de protection, de non-protection, des demandes qui ont été faites par des équipes envers des joueurs pour pouvoir modifier leur liste de protection. Il y a des, tu sais, quand il y a des clauses de non-mouvement, de non-échange chez les joueurs, les équipes doivent les respecter et donc doivent protéger ces joueurs-là. Je veux tes commentaires sur l'Avalanche Colorado qui rachète François Beauchemin avant même de lui avoir demandé de lever sa clause de non-échange. T'en penses quoi? Ben, écoute, j'en pense quoi? Il ne sauve pas d'espace sur le cap salarial, hein, by the way, parce qu'il y avait plus de 35 ans au moment de signer son contrat. Ouais, c'est vraiment juste pour se racheter un espace de protection. C'est même pas une histoire d'argent, c'est vraiment que. Ben, pour... Tu demandes de lever sa clause, puis écoute, au pire. Ben, quoi que c'était la période de rachat aussi en même temps, là, peut-être qu'ils se disaient « Ah non, Vegas le prendront pas, anyway, puis on va être pogné pour le payer, de l'avoir dans les pattes, il va prendre... » Peut-être, là, je sais pas, là, mais moi, je trouve ça weird. Le fait qu'ils n'ont pas demandé de lever sa clause, je trouve ça vraiment weird. Mais est-ce qu'on sait si on lui a pas demandé de lever sa clause? En tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils n'ont même pas demandé. Moi, je vois que ça passait, en tout cas, là. Mes insiders m'ont dit ça. OK. Bon, ben écoute, si tes insiders le disent, je sais que t'es plugué. JB plugué. Ah, écoute, je suis plugué sa grosse couche. Assez quelque chose, ouais, en effet. Mais non, mais c'est ça, écoute. Ben, oui, c'est un... Mais tu sais, c'est ça, c'est que ça... C'est un move assez inhabituel. Tu sais, parce qu'un repêchage d'expansion, t'as pas ça toutes les années, mais... Non. je me dis que probablement que le bon vieux Joe, lui, quand il regardait ça froidement, il s'est dit, ben, j'aime mieux avoir moins d'espace sous le cap, mais pouvoir me protéger un de mes joueurs en plus. Veux-tu te dire, moi, je vais peut-être sonner condescendant, là. Mais ça en est toi, moins ça condescendant envers des dirigeants de la Ligue nationale. Jamais. Ben, voyons, non? Jamais, voyons. Des gars qui n'ont pas fini leur secondaire 5, Chris, qui sont à des entreprises milliardaires. C'est là que je m'en allais. Ça, ah, c'en est un autre, ça, qui n'a pas son diplôme, il n'a pas son DES, puis qui gère un club de la Ligue nationale. Ça se peut-tu, genre, qu'il ait fait une petite gaffe, là, tu sais, à la Stan Bowman, puis qu'il a fait comme, ah, oh, si, j'avais pas vu qu'on pouvait demander de waiver sa clause. Ben, si. Ça se peut-tu, écoute, ben, ça se peut, mais tu sais, écoute, ils sont quand même sans, tu sais, on fait bien des jokes avec ça, là, mais ils ont quand même des, t'sais, ils ont des spécialistes du cap avec eux autres. Ils ont des ils ont des avocats alentour d'eux autres pour éplucher les contrats, pis ci, pis ça. Fait que, t'sais, dans le fond, moi, je les vois plus comme c'est les pretty face qui parlent en avant de la caméra, mais c'est pas vraiment eux autres qui se tapent la grosse job sale, là. T'sais, de fouiller les contrats, pis ci, pis ça, là, c'est comme vraiment pas eux autres. T'sais, comme eux autres, c'est vraiment le petit day-to-day, puis hey, salut buddy, ça va. Puis c'est pas mal plus ça, je pense. Mais t'sais, on voit ça de la même façon, toi et moi, là, que t'sais, si toi, t'essaies de faire application chez n'importe quel club de la Ligue nationale, même pour seulement t'occuper de leur compte Twitter, on va te demander un bac en communication. Oui, minimum. Mais, et pour une job à 40 000 par année, mais une job de GM à quelques millions par année, ah ouais, tout tes maths de secondaire 2, ton anglais secondaire 3, ton français secondaire 1, wow, bien temps, mon You're homme. You're overqualified. T'es overqualified, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu dis des raies après tes si? Oui, c'est encore mieux, c'est un bonus. Est-ce que tu dépales dans les deux langues? Oui! Oh shit! You're my man! Et voilà, et voilà. Et voilà. Et on sonne tellement condescendant. Les fans de Marc Bergevin, là. On s'excuse. On est de même, on est des épais. Mais on a notre secondaire 5! Et voilà. Ce que Marc Bergevin a pas. Mais tu le remarques que c'est toi qui as ramené Marc Bergevin, mais techniquement, on parlait de Joe Sakic. Ah, excusez. Tu sais? Ouais, OK. Autre joueur, Dion Phaneuf. Écoute, Pierre Dorion qui demande, tu lèverais-tu ta clause? Pense pas que tu vas être pogné. Anyway, que ton gros salaire, ton gros contrat et ta femme très, très jolie, mais que a déjà sorti avec une peste. Puis il dit non. Il dit non. Ouais, ça, c'est... écoute, ça, c'est... Hey, écoute, avant que tu commentes, allez écouter, je te le dis à toi aussi Sylvain, tout le monde, allez écouter l'émission On jase de cette semaine. C'était donc l'édition du mercredi 14 juin. Souvent, on rigole sur le show de dire, bon, ok, tel invité a dit telle affaire. Mais des fois, il y a des trucs super pertinents aussi sur cette émission-là. Gaston, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé, fait que c'est cool. Et cette semaine, il y avait Alex Burrows. Pas Alex, c'est-tu Alex? Non, c'est David Perron ou Alex Burrows? Whatever, ok. Un des deux jase avec Martin Lemay à propos de ce qui se passe chez les sénateurs d'Ottawa à cause de Phaneuf. C'est-tu David Perron? Je pense que c'est David Perron. Whatever, OK? Peu importe le gars. Ben, quoi que si c'est les sénateurs, ça aurait de sens que ce serait Alex Burrows. Mais je pense que c'est Burrows. Il disait qu'il s'en retournait avant quoi. C'est Burrows. OK, bon. Fait que là, Martin Lemay, il demande, ouais, tu trouves ça, tu penses quoi de la situation de Dion Phaneuf? Tu sais, d'un côté, il a gagné sa clause, mais là, tu sais, le club, est-ce que vous seriez pas mieux avec de pouvoir protéger, c'est qui de méthode au lieu méthode de Phaneuf? Méthode ou CC, blablabla. Puis là, écoute, patiner de même, là, j'ai rarement vu ça. Hey, c'est Alex clair, Burrows, là, il savait plus où se mettre. Pendant cette question-là, là, moi, là, j'étais comme, Ben voyons donc. Y a-tu vraiment posé ça? Écoute, pire que ça, tu t'appelles Renaud Lavoie et tu demandes à Marc-André Fleury. Puis, c'est comment d'avoir vécu tes derniers moments avec le jersey des Penguins pendant que le gars est sur le bord de ramasser la coupe pour la lever? Hey, Renaud! Renaud! Renaud, là. Quand Martin Lemay a demandé ça à Alex Burrows, est-ce que dans ses balbutiements, quand il savait pas quoi faire, est-ce qu'il essayait de mordre un doigt de Martin Lemay? Il était à comme distance. Heureusement. Okay. Ah, c'est pour ça, parce que sinon, c'est clair C'était pas malaisant. Martin Lemay aurait. C'était juste comme, wow! Check ça du patinage de fantaisie, c'est hot! Mais moi, j'aime ça, un journaliste qui va poser ce genre de questions-là, justement. Oui, oh, il a eu les couilles de le faire. Regarde, c'est. J'ai beaucoup de respect pour ça, là. Je vais aller regarder ça. Écoute, Burrows, il dit, peut-être qu'en faisant une transaction ou quelque chose comme ça, tu sais, Fanoff, il croit que, tu sais, on va avoir un bon club, puis Dorion aussi, là, tu sais, qu'on va être compétitif, mais, tu sais, c'est sûr que, puis là, il veut pas mettre personne dans la marde, bon, tu sais, si, c'est un bon joueur, mais écoute, c'est une pièce importante de notre défensive, mais tu sais, Fanoff, il y a quand même 30 points cette saison, puis là, il est en train de toutes les nommer. Écoute, il a nommé le 8e gars de la Ligue américaine. Écoute, il y a du talent qui s'en vient là, fait que tu sais, on va perdre un gars, mais il y en a un autre qui va revenir, puis c'était... Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est lui qu'il faut qu'il retourne après dans cette vestiaire-là. Ben oui, c'était fantastique. C'est pas sa décision à lui. Mais non. Bravo à Martin Lemay d'avoir posé cette question-là, mais c'est une question qui n'était pas évidente à répondre. Puis, tu sais, Burrows aussi, il y a une clause partielle, là. Tu sais, à son contrat, là, c'est pas une. Il peut. Je pense que lui, c'est comme 12 équipes, là, tu sais, qui peut dire qu'il veut pas aller ou une affaire comme ça, là, tu sais. Lui aussi, il y a une clause partielle pour un gars au talent plutôt limité, là. Tu sais, c'est pas un top gun, là, dans le club, là. Mais qu'il va être, tu sais, obligé d'être protégé, là, probablement, là. Selon les clauses, là, selon Cap Friendly, ils sont pas obligés de le protéger, mais il me semble qu'il y a une clause dans son nouveau contrat. Fait que, tu sais, lui aussi, là, tu sais, il tire la couverture de son bord pour avoir le meilleur contrat, mais finalement, son meilleur contrat pour lui nuit au club. Fait que finalement, il empêche son équipe d'avoir de meilleurs effectifs pour pouvoir être compétitif et gagner la coupe. T'sais, tout ça s'enchaîne, là. Il y a le business de la Ligue en termes de monnaie, puis il y a le business de la Ligue en termes de talent, tu sais. Puis t'espères avoir des bons coéquipiers, fait que... Écoute, c'est pas évident, là. Fait que chapeau à Martin Lemay là-dessus, gars. Très, très bonne question. Puis patinage artistique, là. Go to a Burrows. Moi, je prendrais des cours. T'as une bonne base. Ouais, non, mais écoute, tu sais, j'ai eu bien la misère avec cette décision-là de Faneuf. En partant, je suis pas son plus grand fan, mais je me dis, gars, tu sais, très. Les chances sont extrêmement minces avec ton gros contrat que Vegas te réclame. C'est-tu si pire que ça, Vegas? Au pire, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. En plus, tu sais, ce gars-là, sa femme est actrice. Elle est appelée souvent à aller à Los Angeles pour travailler. Tout. Tu sais, on parle de une demi-heure en avion de Los Angeles à Vegas, là. Ouais. T'sais, ou sinon, t'sais, par char, c'est aux alentours de 5-6 heures, là. Fait que, tu sais, c'est... Écoute... Moi, je la comprends pas, tu sais, parce que... Je la comprends vraiment pas. C'est vraiment... C'est moi, je trouve que c'est vraiment chien. Tu prouves que t'es le... T'es égocentrique, là. Tu ne penses qu'à ton bien-être. Les chances sont extrêmement minces que tu te ramasses à Vegas, là. Mais pourquoi tu voudrais... Tu sais, parce que là, si toi, tu restes, mais que tu perds un CC ou un méthode, là, à cause de ta décision, tu viens de faire un Christy gros trou dans la défensive. Ah oui. Mettons, là, l'an prochain, il y a une saison de marque d'Ottawa, là, parce que ils se font scorer comme ça n'a pas d'allure, parce qu'il manque un défenseur sur le top 4. Tu regardes qui? Tu regardes Faneuf, c'est sûr. Hey, il est mieux d'avoir une saison de la mort. Si c'est ce qui arrive, là, il est mieux d'avoir sa meilleure saison en carrière, parce que il va se faire ramasser. Ben oui. ça n'a même pas de sens. Ça, j'ai eu bien la misère avec sa décision. Un, par exemple, que, écoute, en tant que coéquipier, rien à redire, c'est tout un gentleman, c'est un bon être humain, c'est une bonne personne. C'est Marc-André Fleury, puis lui, il a accepté de lever sa clause. Il va se passer quoi avec Fleury? Écoute, ben, première des choses, là, Marc-André Fleury, là, écoute, t'sais, juste quand t'en parlais, là, je me rejoue les images dans ma tête, honnêtement, j'ai la chair de poule, c'est... Ça fait partie des beaux moments de sport que j'ai vus, là. Tu sais, quand justement, tu vois ce gars-là, là, tu sais, il a les yeux rougis, puis tout le kit, puis... Tu sais, ça fait 10 ans qu'il est là, là. Tu sais, il est sur la glace, il lève la coupe. Il est sur la glace. Tu sais, il ramasse la coupe, il la lève au bout de ses bras, tu sais. Il a amené ce club-là jusqu'en finale de conférence, s'est fait tasser. Ouais. Puis il donne la coupe à qui? Au petit calice. À son dauphin. Petit calice qui va prendre sa job. Man! C'est incroyable. Puis après ça, t'as juste des bons mots, puis tu dis... Puis il est allé dire que depuis février, qu'il a dit à son GM, regarde, capote pas avec ça, je vais la lever, ma clause, il n'y a pas de problème. Pour aller à Vegas, je la lève, tout va bien aller. Pour vrai, là, écoute, pour moi, là, il devrait quasiment gagner le trophée du leadership, là, le Mark Messier Award, là. Ah oh oui, regarde, je... Écoute, c'est incroyable. C'est tu sais, on parle d'un gars, là, qui... Hey, puis, tu sais, c'est parce... Même, tu sais, il vient de passer un 18 mois, là, pas facile. Non, non, c'est clair. Tu sais, il était le kingpin, là. Il s'est fait tasser par un jeune qui est merveilleux, là. Tu sais, Murray, il a tout le talent du monde, là. Tu sais, mais tu sais, Marc-André Fleury avait quand même gagné une Coupe Stanley aussi, là. C'est pas n'importe qui. Mm-hmm. Tu sais, la maturité de ce gars-là, c'est vraiment le genre de coéquipier que tu veux avoir, là, tu sais très bien que c'est le genre de gars qui va prendre une balle pour toi, là. Mmh. Oh, ouais. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui va se passer avec lui? Là, il y a des rumeurs, là. C'est pas juste Vegas, là. Il y a Buffalo, entre autres, Calgary. Il y a une couple de clubs là, qui sont intéressés parce que Fleury n'est pas un mauvais gardien. Là. C'est un gardien numéro un légitime dans la Ligue nationale. Ouais. Ouais. Mais moi, je pense que si je suis Vegas, je pense que je le ramasse puis je le magasine après. Justement, un club comme Calgary, là, moi, je verrais Calgary, justement, ils ont déjà Monahan, Gaudreau puis tout le kit. Peut-être que Bennett pourrait passer dans un deal de même. Et oui, ben écoute, ce serait toute une pêche pour... Ben, tant qu'à ça, Pittsburgh devrait s'essayer à le faire eux-mêmes, ce trade-là, tu sais. Puis, tu sais, il y a Philadelphie aussi, là, qui tente... semble-t-il qu'il n'y a même pas de négociation entre eux puis Steve Mason, qui est leur gardien ennemi numéro un. Fait que, tu sais, eux autres, théoriquement, ils n'ont pas de gardien à protéger, là, parce que... Ils n'ont même pas de gardien sous contrat en ce moment. C'est ça. T'sais, dans le fond, les Flyers ont eu un gardien les 25 dernières années. Moi, il me semblait que c'était... Ben, c'est une planche de plywood avec les five-holes. C'était juste le plywood avec des five-holes. Puis des fois, les five-holes sont plus gros, des fois, sont plus petits. Mais, ça dépend. Écoute, quand le dernier vrai gardien que tu as eu, c'est Pelle Lindbergh, là. Que ouais. Toi, t'as probablement pas connu non. Parce que t'es trop jeune. Non, j'ai pas, très, ben, j'ai pas connu. Tu vois, tu sais. Voilà. Écoute, Marc-André Fleury a levé sa clause, mais je sais pas s'il l'a levé pour tout le monde ou juste pour aller à Vegas. Je sais pas comment ça fonctionne. Ça, c'est des dédales de la Ligue nationale, les règlements qui, avec un repêchage d'expansion comme ça, on invente des règlements sur le site, là, pis que c'est pas tout à fait clair. Moi, si Marc-André Fleury est libre pour une transaction... Là, maintenant, tu connais mon amour pour le travail de Marc Bergevin puis comment réfléchir sur le fait de gagner à game et que, pour moi, là, pense pas que Price est encore d'un le meilleur gardien de but au monde et je pense pas surtout que avoir le meilleur gardien de but au monde t'achète des Coupes Stanley parce que jusqu'à date, c'est pas arrivé. check Matt Murray. Il y en a gagné des coupes, c'est pas le meilleur au monde. OK? Ouais, mais... Il y a un très beau club en avant, mais de payer plus cher pour Carey Price, pour moi, n'est pas un bon deal, parce qu'il sera pas meilleur. Il est impossible qu'il soit meilleur que là. Ce vers quoi je t'amène, OK? Mon slide, là, je vais... Moi, là, je propose deux transactions. Ça fait une couple de fois, j'ai plug sur Facebook, les réactions sont très positives. Je veux avoir ta vision là-dessus. Si Marc-André Fleury est bel et bien disponible, là, ouais. Moi, là, si je suis Marc Bergevin, j'offre Jeff Petrie pour Marc-André Fleury. Les Pingouins ont besoin d'un défenseur. C'est pas la meilleure brigade. Le temps est magané comme un petit Jésus de plâtre qu'on a garoché à terre une couple de fois. Jeff Petrie est pas un mauvais défenseur. Viens solidifier cette brigade-là. Et Marc-André Fleury vient jouer le rôle de gardien de but numéro 1 pour le Canadien de Montréal pendant deux saisons. Juste le temps de trouver qui va venir prendre la place pour la suite. Ensuite, une fois que t'as ça, une fois que t'as Marc-André Fleury à Montréal, tu échanges Carey Price à Calgary. Il se rapproche des Rushers, de son BC natif. Et en échange, tu reçois de la part des Flames de Calgary, Sean Monahan et Hunter Shinkaruk. Ta ligne de centre devient Monahan, Galchenyuk, Dano, Shinkaruk. What a deal! T'as Sam Bennett qui s'en vient, ses deux premiers trios. Ils ont plus besoin de Monahan. Il coûte cher. Bye-bye, bébé. Hey boy! Est-ce que le Canadien est meilleur avec Fleury d'Ainette et Monahan et Shinkaruk? Je pense que oui. Mon Dieu. Ben, OK, attends un peu. On va décortiquer ça. Okay? Oui. Si on parle d'aujourd'hui, 15 juin 2017, si tu donnes Jeff Petrie pour aller chercher Marc-André Fleury, tu surpayes. Pas grave, j'ai besoin d'un gardien de but numéro 1. Puis, en ce moment, il y a un marché pour Marc-André Fleury. Il y a plusieurs clubs qui sont là dans la course. Il va y avoir une surenchère. En tout cas, moi, je pense que tu surpayes. Je pense qu'il ne coûterait pas Jeff Petrie. Écoute, ils vont le perdre contre rien. Mais bon, OK, on va dire qu'on le fait comme ça. Ensuite, tu sais, je suis pas un fan du Canadien, mais... Ben, Jordy Benn, d'abord. Ouais. Ou Beaulieu, puis un choix, là. Ouais, limite, OK. Là. Name it, OK, bon. Whatever. Mais, ouais, non, mais c'est parce que j'ai plus de misère à dire la phrase suivante. Parce que je ne suis pas un fan du Canadien, mais Carey Price, pour moi, c'est comme... Il est bon, en là, cas. Mais il n'amène pas le Canadien au prochain niveau. Un gardien... Attends une minute. Un gardien de but de cette ampleur-là ne te fait pas gagner parce que on le voit, là, ça prend de l'espace sur le cap salarial pour les autres positions. C'est plus important. Ce que tu as besoin, c'est un gardien de but qui est solide, pas élite. Hey, les dames grincent, le JB. Là. Attends un peu. Là. Tout ce qu'on a à faire, c'est à regarder les... Je comprends le fond de ta pensée, OK? Mais par contre, tu regardes les deux dernières saisons du Canadien. Une saison sans Carey Price, tu finis où dans la cave? Ouais, mais... Une saison avec Carey Price, où tu finis premier de ta section? Mais oui, mais là, c'est plus sans Carey Price, pas de gardien de but. C'est sans Carey Price, mais avec Fleury. Écoute, dis-moi pas, okay. Fleury est si loin que ça de Price, là. Ben oui. Mais non, mais pas, oui. Au point que le Canadien passe de premier de sa division à pas faire les playoffs, par repêcher 9e, là. Carey Price à lui seul, OK? Regarde ça comme tu veux, là. Carey Price à lui seul te vole entre 8 et 12 matchs par année. OK, c'est 16 à 24 points. OK, c'est quoi l'écart entre la première position puis de la 9e? C'est moins que ça. Moi, je te parle de repêcher 9e. Je dis pas playoff, pas playoff, là. Mais de toute façon, c'est pas Price versus Fleury. Non, non, c'est non, Price non, versus mais Condon. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, mais... En tout cas, je comprends où est-ce que tu t'en vas. Après ça, Monahan, là, t'as des tire-poids en avant. C'est sûr et certain, mais en fait, c'était plus ça le problème. C'est pas que Carey Price peut pas t'amener au prochain niveau. Carey Price peut arrêter toutes les rondelles du monde, mais malheureusement, il ne peut pas lui-même prendre la rondelle, traverser la patinoire et aller marquer. Oui, donc... C'est ça ton problème. OK? Mais... Écoute. Mathématiquement c'est parlant, là, dis-moi comment ça peut être un bon deal pour le Canadien de Montréal de payer plus cher pour le même gardien de but. Aussi bon soit-il, Carey Price ne pourra pas être meilleur. Tu diminues ton espace pour d'autres talents ailleurs qui, eux, vont faire que le Canadien va s'améliorer. Moi, ce que je vise, c'est donc la masse de talents Fleury plus Monahan et Shenkarok. Pour moi, est plus grande que Price et Jeff Petrie. Oui. Écoute, moi, je le ferai pas. Je comprends où est-ce que tu veux et je, et tu sais, je ne dénigre pas ce que tu me dis. Tu sais, c'est pas un échange, tu sais, c'est pas des échanges de cabochons là que tu dis là, tu sais, ça fait du sens, ça fait du sens pour toutes les équipes en place, mais moi, si on met dans les souliers de Marc Bergevin, un, faudrait que je m'achète des bas assez funky pour marcher funky avec les ouais, avec toutes les sous puis tout le kit, mais bon. Mais c'est ça. Donc, si on me met dans les souliers de Marc Bergevin avec des beaux bas, je fais pas ça. Parce que je. Écoute, selon moi, ta meilleure façon de gagner, c'est avec Carey Price. Je comprends que tu vas le payer plus que ce que tu le payes en ce moment. Carey Price ne deviendra pas meilleur. Je pense qu'il est au sommet de son art en ce moment. Il va le rester pour 2 à 3 saisons facilement. Écoute, voir encore plus loin, là, moi, là, tu sais, réfléchir en dehors de la boîte, là, au moment où est-ce que les Stars de Dallas ont mis la main sur Ben Bishop, j'aurais bidé juste un petit peu plus cher. Parce qu'ils ont quasiment rien donné. Tu signes Bishop, Bishop est pas si loin que ça de Carey Price, là. Dans les dernières saisons, Bishop est pas si loin que ça de Carey Price, là. Mais le Bishop est pas mal en porcelaine, là. Plus que Carey encore. OK, mais en termes de talent, là, Carey Price n'est pas intouchable. Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais... Ah, mon Dieu, écoute, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Tu sais, j'ai 41 ans, presque 42, là, OK? Ça fait 35 ans que j'écoute du hockey, plus que ça. J'en ai vu passer des gardiens. Donc, moi, j'ai connu les belles années de Patrick Roy, j'ai connu les belles années de Martin Brodeur et tout. Mais je n'ai jamais vu un gardien aussi dominant pouvant gagner un match à lui seul que Carey Price. OK. Moi, si je te nomme Dominique Hašek, écoute, si lui, il gagnait pas des games à l'époque de Buffalo tout seul, et même là, il n'a pas été capable de ramener une coupe. Si tu es capable de me dire, là, tu me regardes sérieusement, là, drette dans les yeux, puis tu me lâches les cuisses là, pendant que tu me regardes, puis tu me dis, sans rire, que Dominique Hašek était moins dominant à son prime que Price l'est à son prime en ce moment, j'arrête de te concevoir comme étant un gars qui connaît son hockey. OK. Bon, ben, ça fait un plaisir de se parler. Bon, ben, c'était la POC. Merci, bonsoir. Non, mais écoute, j'enlève rien. Écoute, puis gars, je le sais que c'est énorme ce que je viens de dire, là. Je viens de nommer des gars qui ont des bagues de la Coupe Stanley, ben, mis à part de Dominique Hašek, mais tu sais, les gars qui ont des bagues de la Coupe. Il y en a une, avec des trois. Oui, c'est vrai. Puis il n'était plus à son prime à ce moment-là. Hein. C'est ça. Preuve que... T'as pas besoin d'être à ton prime. T'as besoin d'avoir un bon club en avant de toi. Ça compte bien plus que le nombre de pucks que t'arrêtes. Mais, et voilà. Mais, tu sais, ce qui nous ramène, dans le fond, là, on est dans le full circle avec le début. Est-ce que le Canadien d'aujourd'hui, avec tous les éléments en place, mais en ne rajoutant que Jonathan Drouin, Est-ce que tu es capable de faire un bout de chemin de plus? Je pense que oui. Tu viens de solidifier ton top 6 en évangile. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de le solidifier encore plus? Ben, il y a toujours moyen de solidifier encore plus. Mais encore là, faut que tu... Pour moi, ça passe par... Est-ce que Marc Bergevin va être capable de convaincre George McPhee? Hey George, prends le 14. Je te donne ce que tu veux avec. Ramasse-les. Je vais aller te livrer. Je vais te livrer une caisse de colle roulée avec des paillettes. Et tu sais, t'auras même pas à dépenser pour ça, mais prends-les. Man, je pense que Marc Bergevin, là, il a même pas réfléchi à l'option de ne pas protéger Plekanec. Je pense qu'il est beaucoup trop amoureux avec le jeu défensif, puis Claude Julien aussi, pour penser à sortir ton meilleur centre défensif. Même s'il coûte 6 millions, c'est lui qui a donné ce contrat-là. Puis il a donné d'avance en plus. Il n'y avait aucune raison, là. Ah, il n'aurait pas à attendre. Il n'y avait aucun rush, là. Il n'y avait aucun rush, là. Il a donné d'avance, puis il a pas donné de clause, puis tu sais, il a essayé de se faire bien paraître, là. Il y avait aucune raison de se donner aussi cher, aussi rapidement. Il y a aucun comparable qui était qui permettait de donner ce contrat-là à Plekanec, là. Et il le fait pareil. Parce que, défensivement, pour Marc Bergevin, c'est ça, un centre dans la Ligue nationale. Parce que Marc Bergevin, c'était quoi dans la Ligue nationale? C'est un défenseur, grinder. C'est un grinder. Fait qu'il affectionne ce genre de gars-là, ce genre de talent-là. Marc Bergevin, là, des gars qui en mettent dedans, là, il s'en sacre dans sa carrière, il l'a jamais fait. C'est pas ça qui a fait gagner son pain pis son beurre. C'est pas ça qui a fait qu'il y a eu plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale. C'est le fait de bloquer des pucks, de manger des rondelles d'un côte pis des coups de bâton en avant du net. C'est ça, tu sais. Fait que c'est ça qu'il va aller chercher. C'est ça qui pense qu'il est la bonne solution. Mais jusqu'à... Regarde, dans les dernières playoffs, là, pis dans les dernières années, là, les clubs qui se sont rendus en finale, là, puis en demi-finale, c'est des clubs qui dominaient offensivement ou qui avaient des défensifs exceptionnels, si on pense, entre autres, aux Ducks puis aux Preds. Ouais. Tu sais, c'est soit un top 4, là, qui est fort en évangile, soit une attaque qui est capable de dominer. Le Canadien a ni un ni l'autre, tu sais. Puis juste le fait qu'on n'a pas été capable de prévenir la perte tranquillement de talent de Markov, puis de compenser... C'est une belle grosse preuve, là. C'est symptomatique dans la Ligue nationale. Charity a jamais été capable de faire en sorte de rendre payant Chara avant que son talent dégringole, tu sais, avant qu'il soit capable d'amener sa glace dégringole, parce qu'ils sont tous omnubilés par la défensive. On a tassé Alex Galchenyuk. Vous l'avez vu, les auditeurs sur la page Facebook de la POC, chiffres à l'appui, Alex Galchenyuk est dans le top 25 des centres de la Ligue nationale. Si tu prends ses points, son différentiel, son taux de réussite au cercle de mise en jeu, puis tu combines tout ça, il est dans le top 25. Il y a personne qui combine toutes ces stats-là et il y en a pas une trollée dans la Ligue nationale. Là. Pis si tu dis qu'il y a un premier centre par équipe là, légitime, t'arrives à 30. Il doit être un premier centre. Il doit être un centre. Pis on y pense même pas chez le Canadien de Montréal parce que supposément, défensivement, pour faire de mise en jeu, il est pas assez bon. Je calculais, oui, là, en finale de la Coupe Stanley, les deux défaites là, des Pingouins, là, contre les Preds, Sidney Crosby avait un taux de réussite aux mises en jeu plus bas que celui de Galchenyuk. Ben c'est un premier centre, Crosby. C'est un gars qui a gagné le trophée du meilleur gars des playoffs, puis qu'on comprend pas trop pourquoi. Oui! Ouais, en effet. Oui. Écoute, ça, t'as raison à 200%. Et tu sais, ça, je partage ton avis. Tu sais, quand t'avais sorti ces chiffres-là, là, je me rappelle. Le 26e ou le 27e dans ce comparatif-là, c'était Malkin. Oui. Tu sais, donc Malkin était en dessous de Galchenyuk. Tu sais, mais c'est ça qui se passe, c'est qu'on a cette espèce d'habitude de mal évaluer les talents à Montréal. On surévalue certains gars. On sous-évalue certains gars. En fait, on surévalue des critères. Ouais, puis encore là, tu sais, moi, j'ai vu passer beaucoup, là, tu sais, cette rumeur-là de Galchenyuk puis quelque chose contre Matt Duchesne. Écoute, moi, je ferais même pas Alex Galchenyuk contre Matt Duchene one-on-one. Non. Non, non. Tu sais, c'est deux gars qui ont le potentiel de scorer 30 buts. Tu sais, mais Matt Duchene, il a un caractère bizarre. Galchenyuk qui aime faire le party, mais il a 23 ans. Ah oui. Si on se rappelle de Carey Price à cet âge-là, il était sa brosse plus souvent qu'à, ouais. Qu'à son tour. Là. Okay? Oui. Tu sais, JT Utah de 25 Stanley est devenu riche avec les frasques du Canadien de cette époque-là. Là, ouais. T'sais, mais c'est ça. Fait que, t'sais, lâchez-moi avec les gars qui sont sur le party, puis la quitte, là, hey, pensez-y, là, n'importe qui, là, que vous êtes là, puis vous les jugez. Là, okay? À Montréal, t'es un joueur de hockey, t'es un demi-dieu. N'importe où est-ce que tu rentres à Montréal, et je l'ai vu de mes yeux vus, n'importe où est-ce que tu rentres à Montréal, si tu es un joueur du Canadien, les verres t'arrivent. Mm-hmm. Écoute, les filles, les bouteilles qui sont commandées pour toi, les substances illicites aussi, t'sais, une petite ligne par-ci, par-là, puis, t'sais, tout est c'est bar open, peu importe où est-ce que tu vas, tu es un demi-dieu, OK? Pensez à vous autres même, là. Quand tu as 19, 20, 22 ans, si toi, peu importe où c'est que tu étais rentré, un, tu es millionnaire, tu peux te payer qu'est-ce que tu veux, et tu es un demi-dieu, tu n'as même pas besoin de te payer rien. Les filles se pitchent à tes pieds, tu as tout l'alcool, la drogue, tout qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu serais assez intelligent pour te tenir loin de tout ça? Pas sûr. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est pas vrai, gars. Il y a rien à dire de plus que ça. Tu sais, les gars ont ça, là, 19, 20, 21 ans. Là. Écoute, tu sais, si on se rappelle, là, t'sais, moi, j'étais étudiant à cet âge-là, là, je travaillais au salaire minimum. J'en ai viré des brosses pas à peu près. OK? Mm-hmm. Puis j'étais pas Alex Galchenyuk ou Nathan Beaulieu ou tu sais loin de là là, tu sais j'étais pas le king de la place dans n'importe quel bar que je rentrais, mais tu sais bref j'ai vécu des bonnes dérapes, eux autres aussi, puis regarde tu sais, puis des Carey Price ont vécu ça, puis regarde, c'est juste que tu sais, puis ça me fait rire parce que souvent aussi on a la plus vieille génération qui vont ramener ça. Ah ben oui, les gars sont tous sur le party puis tout. Hey, Guy Lafleur, qui est un des plus grands, ouais, ouais. Il a déjà scrappé son char en boisson. Oui. Écoute, il y a une histoire là, mémorable avec la Coupe Stanley. En char, il y avait la coupe, en char, il arrête sur le bord du chemin pour pisser, il croise du monde, écoute, prend des photos avec la coupe. Il rentre dans son char, il a oublié la coupe pendant une demi-heure. Ouais. Trop perdu pour pouvoir la remettre là, dans son coffre. Ouais, ouais, ouais. Puis il avait volé la Coupe Stanley cette fois-là pour pouvoir l'amener à Turceau. Ouais, ouais. Écoute, je reviens sur Galchenyuk, là, j'ai retrouvé. Écoute, ça date du 10 avril, la dernière fois que j'ai fait le classement. Donc, écoute, les playoffs étaient commencés. Pour les quatre critères, okay? C'est le nombre de points. Il n'y a aucun joueur dans cette liste-là qui a moins de points que Galchenyuk, OK? Le différentiel. Il n'y a aucun gars dans cette liste-là qui a un différentiel moins bon que celui de Galchenyuk. Le pourcentage de mise en jeu remportée. Ils ont tous un pourcentage plus élevé que lui. Donc, ceux qui sont en dessous, on les élimine. Et les points par match. Donc, la production offensive. Et Galchenyuk se ramasse 20e. Dans cette liste-là, je peux te faire la liste. Là. Il y a McDavid, Crosby, Malkin, Backstrom, Scheffery, Getzlaff, Dreisaitl, Tavares, Barkov, Granlund, Matthews, Pavelski, Taze, Carter, Stahl, O'Reilly, Johansson, Wenberg, Koivu et Galchenyuk. Je pense qu'on a une pas pire élite là, de la Ligue nationale. Écoute, pis là-dedans, c'est là, des gros noms. Là. Ben oui, puis là-dedans, là, on parle du différentiel. Là. O'Reilly, t'as moins 1. Galchenyuk, t'as moins 5. C'est proche. Ouais. Pourcentage de mise en jeu, Galchenyuk 42.7. Devine qui se ramasse à être pas trop loin. Malkin est à 43.1. Voilà. Scheifele est 43.5. McDavid, il roule dans ces coins-là. Il est aussi à 43.2. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, là, ça, c'est ta grosse affaire, là. Il gagne pas ses mises en jeu. Who cares? Écoute, dans le final de la Coupe Stanley, je regardais, là, j'ai fait comme, je me suis amusé, là, à certains matchs, de faire des genres de rapports. Les Prédateurs de Nashville, les deux games qu'ils ont gagnés, ils ont remporté moins de mises en jeu. Ouais. Que les Pingouins, c'est sûr que ça reste vice-versa. Important. C'est sûr que ça reste important de gagner tes mises en jeu, puis tu veux en gagner le plus possible. C'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est le seul critère? Ben non. T'sais, est-ce que c'est pire de perdre ta mise en jeu ou de, quand tu as la rondelle, de faire du dump and chase? c'est tellement important, dumping et chaser. Ouais, c'est ça. T'sais, entre toi et moi, là, tu donnes la rondelle à l'adversaire dans les deux cas. Je faisais l'exercice aussi avec Beaulieu pour voir. Puis chez les défenseurs avec le plus de revirements dans la Ligue nationale, il y en a 4 chez le Canadien de Montréal qui sont dans le top 10. Et devine qui n'est pas là? Pas le beau Nathan. Nathan n'est pas là. Et pourtant, ce qu'on lui reproche, c'est ses revirements. Ah, ouais, mais c'est drôle, hein? Mais quel. Mais ça, là, c'est une statistique de cabochon. Oui, oui, très, très, très, très, très cabochon. Mais quand ça fait l'affaire des médias montréalais, puis ça raconte l'histoire qu'ils veulent bien raconter, il y a sorte. Cette année, oui. Là, y a-tu quelqu'un qui a dit que Weber était dans le top 5 des revirements? Personne. Pas un chat. L'an passé, Subban était dans le top 5. Hein? On en a parlé. Mais on voulait dénigrer la valeur de Subban. On en a parlé. Tu sais, puis dans ce top 5-là, là, regarde, là, je ne l'ai pas devant moi. T'avais Carlson, t'as Doughty. Carlson, Doughty, Burns, Weber. Oui, ouais, regarde, c'était ça. Hey, 4 chaudrons, là, des beaux tas de marbre, là, tu sais. Puis voyons, là. Mais tu sais, ah, ben écoute, ça veut rien dire, cette statistique-là, mais l'an passé, c'était une raison pour sacrer Piqué Subban dehors. Voilà, c'est ça. Raconte la même histoire. Moi, j'ai pas de problème que tu racontes l'histoire, mais au moins, raconte-la égal d'une année à l'autre, là. Voilà, c'est exactement ça. Évidemment, un gars comme Emeline va avoir moins de revirements. Il touche pas à puck. Non, c'est ça. Puis elle transporte pas. C'est ça. Puis tu sais, c'est pareil comme les Christie, tu sais, dans les statistiques inutiles, là, le nombre de mises en échec. Le nombre de mises en échec, là, pour moi, là, ça ne devrait pas être une fierté de dire, hey, c'est mon équipe qui a fait le plus de mises en échec. Tout ce que tu me dis en me disant ça, c'est que ton équipe avait jamais la rondelle. Eh oui. Fait que tu étais obligé d'aller fesser le monde pour que tu ailles la rondelle. T'es arrivé deuxième, ça n'a pas plus souvent que l'autre. Voilà, c'est ça. Fait que c'est pas quelque chose pour se péter les bretelles. Tu sais, il y a des statistiques de même. Je sais que toi, tu es un gars de stats. Moi, on a déjà eu des arguments en tension un contre l'autre. Oui, j'aime les stats, mais ce que ce que j'aime pas, c'est ce que les gens font avec les stats. T'aimes-tu ce que moi je fais avec les stats? Bon, ça dépend. Ça dépend, OK. ça dépend, mais oui, tu sais, regarde, tu sais, on n'est pas toujours en accord, mais c'est ça la beauté du sport, là, tu sais, c'est d'être capable d'argumenter sans... Devine quoi, là, gars, ça fait, écoute, 1h30, là, presque, qu'on enregistre. Tout ce qu'on s'est dit là, aujourd'hui, là, ça n'a aucun calice d'impact. Il n'y a pas une affaire qu'on s'est dit qui va s'appliquer demain matin. Il n'y a pas un club là, qui a fait comme « Ah oh ben tabarnak, je bute ça. OK, on fait ça. » Mais non. Tu sais, à un moment donné, là, calmez-vous là, sur Facebook. Là. J'en vois du monde qui pogne les nerfs puis ça devient personnel. Puis tu vois que ils sont frustrés, agressifs. Là. Wow, bonhomme. Wow! Ouais, puis moi, ça m'arrive une fois de temps en temps de tomber dans... Parce qu'il y a des fois... Moi, ce qui me fâche, c'est quand t'es juste trop, là. Justement, là, bon, je peux pas croire qu'on va en reparler. On va juste faire une petite parenthèse, là, mais la Christie de transaction, Subban Weber, c'est fait. On peut-tu la laisser dans le passé? Non. Mais je ne comprends pas toute la haine qu'il y a envers Piqué Subban. Qu'est-ce que ce gars-là a fait pour mériter cette haine? C'est malicieux. J'ai rarement vu ça, là. Ben, il polarisait les opinions, puis gars, c'est encore le cas. Mais écoute, cette transaction-là, on va en entendre parler là, jusqu'à ce que les deux gars soient en retraite. Parce que je t'ai fait remarquer là, qu'on et parle même encore. Après ça, là. Oh, et on parle encore de la transaction droit. Ben oui. Puis on va parler encore de cette transaction-là pendant longtemps. Écoute, si on a le droit aujourd'hui encore de parler de l'échange de Gomez-McDonough, là, puis j'ai eu du monde comparer l'échange Drouin-Sagachev là, avec celle-là. Wow! Oui. Wow! Non, non, c'est ça, écoute. Qu'est-ce que c'est ça? Mais à toutes les fois que les Rangers sont à Montréal, imagine, écoute, Gomez, si on ne l'avait pas eu puis on avait gardé McDonough, écoute, si on a le droit d'encore dire ça, on a encore le droit de parler de la transaction que Subban versus Weber. Tu sais, maintenant. C'est sûr, j'ai certain, tu sais, mais je trouve. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment plate de voir comment que les gens traitent Piqué Subban. Tu sais, le plus gros des problèmes de Piqué Subban, là, selon ce monde-là, là, tu sais, quand t'analyses qu'est-ce que ces gens-là disent, là, c'est que, au fond, ce qu'on peut lui reprocher, là, c'est d'aimer ce qu'il fait dans la vie. Avoir de la t'sais, passion. De le faire avec un sourire, puis d'avoir du fun, puis, tu sais, fait que ça, c'est une mauvaise chose, là. Tu sais? Mm-hmm. Mais bref, et ça, c'est ce que je trouve dommage. Tu sais, puis on l'a vu aussi, là, tu sais, puis bon, on est en train de faire la fête aux fans du Canadien un petit peu, là, j'imagine que c'est pareil à travers la Ligue, mais les fans du Canadien sont quand même assez passionnés. C'est que le problème, c'est que, tu sais, quand il y a un joueur qui part de Montréal, là, il reste aussi bon qu'il était l'année passée quand il jouait dans votre chandail, là. Tu sais, quand Day-Louis jouait ici, là, que tout le monde parlait de le re-signer, là, le Dutch Gretzky, puis tu sais, tout le monde tripait sur Day-Louis. Hey, j'ai rien contre Day-Louis. Ben écoute, j'ai rien contre Day-Louis, là. C'est le genre de joueur que tu peux juste respecter, là. Tu sais, un talent limité, mais le cœur grand comme le Centre Bell, puis tu sais, bon. Mais là, aussitôt qu'il s'est ramassé ailleurs, puis il y a eu des difficultés, ben là, c'est une merde. Ouais. Mais tu sais, c'est comme juste ça, tu sais, essayer, tu sais, puis déjà là, pour revenir à Jonathan Drouin, là, parce qu'on parle de ça, tu sais, moi, ce que j'ai dit, moi, mon seul raisonnement que j'ai eu, puis je sais pas si t'as vu ça comme moi, la conférence de presse, on a vu un jeune homme qui avait un beau gros sourire, mais moi, quand je regardais les yeux, là, je voyais une espèce de panique. Un peu comme une vache que t'envoies à l'abattoir, là, qui fait comme « Oh shit, what the fuck just happened? » Tu sais, il y a un mélange de « Hey, je trippe, là, je joue pour l'équipe de mon... » Tu sais, je vais jouer pour l'équipe de mon enfance. Puis tu voyais un petit peu de panique en même temps, faire comme « Aïe, aïe, dans qu'est-ce que je m'embarque? » Et moi, ce que j'ai dit sur ma page Facebook aux gens, c'est on peut-tu lui donner du temps? Et j'ai donné l'exemple, parce que c'est le dernier exemple qu'on a, de Guillaume Latendresse. Rappelez-vous, quand Guillaume Latendresse est arrivé ici, son premier camp, il se débrouille bien, il frappe, il marque certains buts. Guy dans les estrades. Non, mais c'est vrai. Puis oui. Là, c'est la grosse histoire parce qu'on le retourne à son club junior, les fans sont frustrés. L'année d'après, il revient, Guy encore. On en a fait une superstar. On l'a brûlé. Est-ce qu'on peut ne pas partir en peur avec Jonathan Drouin? Ce n'est pas Guy Lafleur. OK? C'est un excellent choix. Donnez-y le temps. Il y a 23 ans. Et je venais de finir ça. Le premier texte qui est sorti sur le RDS.ca de la plume de Bertrand Raymond, le titre exact est « Le plus talentueux depuis Flower ». Ça fait une heure qu'il a signé son contrat. L'encre est même pas sèche. Puis on parle déjà de comparaison avec Guy Lafleur. On peut-tu slacker la poulie calvaire? Mais tu sais, si on avait dit le plus électrisant depuis Kovalev, je fais OK, good. Écoute, ben c'est ça. Ça serait correct. On peut-tu laisser la légende avec les jerseys au plafond tranquille deux minutes, là? Ben c'est ça, tu sais. Puis c'est le problème, c'est que c'est justement, c'est que c'est Drouin, c'est un Québec, c'est un petit gars de chez nous, puis on est fiers, puis on veut l'avoir. Pis... Mais la pression, hey, il y a 22 ans. Je t'ai lu sur Facebook mentionner que toi, t'avais peur que, tu sais, ils vivent la fameuse dérape de, écoute, un Québécois à Montréal, la pression, puis que finalement, ça floppe. Écoute, c'est vrai que ça fait peur, là. Ben, tu sais, puis moi, justement, dans mon post de Facebook, j'ai dit que c'était une transaction merveilleuse. Les deux seuls bémols que j'ai, c'est celle-là, celle des médias. Est-ce que ça, les médias et les fans, mais tu sais, un nourrit l'autre, là, tu sais. Est-ce qu'on va en faire un cirque? Est-ce qu'on peut lui donner du lousse aux jeunes, là? Tu sais, justement, j'ai donné l'exemple de si après 5 games, il y a 6 buts, capotez pas, il battra pas le record de Wayne Gretzky, il n'y aura pas 92 buts cette année. Mais à l'inverse, si après 10 games, il y a un but, une passe, commencez pas à dire que c'est un flop, puis que c'est une merde, puis qu'on aurait dû garder Sergachev, puis on peut-tu donner le temps de s'acclimater? On garde en tête, il y a 22 ans. Il est ici techniquement pour, ben là, il y a un contrat de 6 ans, mais si tout va bien, là, il peut passer les 15 prochaines années ici. Là. Donner beaucoup de beau hockey aux Canadiens, oui, mais on respire par l'année, on prend notre gaz égal, on y donne du temps un peu. OK? Et le deuxième point du bémol, c'est Humpty Dumpty, ou comme toi tu l'appelles, le monsieur patate en arrière du banc. Je me suis trouvé drôle. Ouais, ben moi je trouve la ressemblance avec Humpty Dumpty est encore plus frappante. Ouais. Mais bon. Ouais, mais regarde, il faut varier plaisir, là. Ben, c'est ça. Mais, ouais, il y a un... Puis on l'a vu dans son utilisation avec Galchenyuk, qui n'est pas dans ses préférés. Drouin est un peu un joueur à la Galchenyuk, un peu. Et si on recule un peu en arrière, Claude Julien ne savait pas trop comment utiliser un certain Tyler Seguin, qui en a même fini à y faire lever les feutres. Mm-hmm. Et on sait ce que Tyler Seguin est devenu, donc... Un, deux de pic! Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai peur un peu. Et c'est pour ça que j'avais lancé cette boutade-là, qu'au pire aller, si ça marche pas avec Claude Julien, ben vous allez avoir une quatrième ligne de débiles avec Mitchell au centre. Parce que, évidemment, ces deux gars-là peuvent pas jouer au centre. Avec Mitchell au centre et Galchenyuk et Drouin, vous avez une quatrième ligne. Incroyable. Mais je veux pas me faire traiter de hater. Non. Pardon. Pardon. Tu sais, mais c'est les deux seuls bémols que j'ai. J'ai peur qu'on essaie, tu sais, qu'on le qualifie comme le sauveur de la concession, que c'est lui, le petit gars d'ici, qui va ramener la Coupe Stanley. Hey, Sean comme Ben Bélan du Québec! Des cretons du Québec! Mais ouais, non, mais tout ça. Tu sais, que Jonathan Drouin va nous ramener la Coupe Stanley au Québec! Tu sais, mais on se calme un peu, là. Il a tout le talent du monde. Il va vous époustoufler, mais il va faire des erreurs aussi. Eh oui. Il y a 22 ans, il va en faire des turnovers. Ça va arriver qu'il va tomber, puis il va échapper à rondelle, puis où, tu sais, il va perdre son gars. Mais par contre, il va toujours avoir plus de cœur que le 14 et le 67. Sur ce, écoute, Sylvain, c'était une belle ride. Pour des gars qui sont dit. Pour des gars qui sont dit comme, hey, on fait ça un show. Ouais, OK. Bon, écoute, on a parlé comme on le fait au quotidien. Mais là, cette fois-là, avec du monde qui écoute, ce qui fait changement. Oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, moi, j'ai quand même. Tu sais, moi, il fallait que j'arrive. Tu sais, dans le fond, t'as quand même fait un échange, toi aussi, parce qu'il fallait que je rende des souliers à Jerry. Ouais. Il fait ça juste pour que je l'apprécie encore plus la prochaine fois, le tour. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, là, moi, je vais me sentir comme délaissé après. Eh oui, je sais bien. T'sais, je suis ta side chick. Moi, te faire couler un bain. Ah, merci. avec de la mousse et des pétales de rose. Ben oui, clairement. Merveilleux. Sylvain, écoute, t'as-tu un Twitter, t'as-tu une place où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent communiquer avec toi là, pour jaser de hockey? Tu sais, sans toi bien à l'aise, si t'en as pas, c'est bien correct aussi. Là. Sur Twitter, SlyRyu, tout en un seul mot. C'est pas mal la meilleure place. Sinon, même si je suis pas un des administrateurs de la POC, je vais faire un tour assez souvent. Je commente pas mal toutes les posts. Yes. On peut échanger tant que ça reste dans le respect. Exactement. Sinon, moi, @gangj_b sur Twitter, suivez-moi, venez jaser, c'est toujours bien agréable. Sur Facebook, bien sûr, la page de la POC, on vous invite à venir voir ça. Nous avons notre site internet, lapoc.net, et c'est surtout un dépôt d'émissions. Disons que les blocs de posts, c'est moins régulier, même genre très rare, parce que à la place, on fait des émissions spéciales. J'avais le goût de jaser de Jonathan Drouin aujourd'hui. Je veux trouver quelqu'un pour venir me rendre l'appareil, faire des échanges verbales avec mon Sly. Fait qu'au lieu d'écrire un texte, on a jacassé. Bien plus simple, bien plus facile. Donc, voilà. C'est ce qui fait le tour pour la POC de cette semaine. On va avoir des épisodes jaser avec Jerry de notre planning. Là, il y a un repêchage d'expansion, comme on a parlé au départ, puis tu sais, ça a teinté notre discussion. La liste de protection officielle des équipes va être annoncée le 18 juin prochain du côté de Vegas, en même temps que les trophées. Ensuite, la formation officielle de Vegas, elle, va être annoncée, si je me trompe pas, c'est le 20 juin. Donc, on va enregistrer le 21 un autre show. Donc, lundi le 19 et mercredi le 21, on va enregistrer deux shows presque back-à-back de la POC pour pouvoir vous parler de ça, de ce qui se passe avec le repêchage d'expansion. Ce sera quoi le visage du Canadien de Montréal à ce moment-là? Mystère et boule de gomme. Est-ce que Beaulieu sera encore avec le Canadien? On le sait pas. Est-ce que Galchenyuk va être encore être le Canadien? On le sait pas non plus. Il y a des rumeurs, bien sûr. Il y en a partout des rumeurs, mais on le sait pas en ce moment. Qui le Canadien va protéger? Est-ce que ce sera Thomas Plekanec ou ce sera Charles Hudon? Est-ce que ce sera Nathan Beaulieu ou ça va être Brendan Davidson ou ça va être un dude comme Jordy Benn? On le saura, bien entendu, lors du show du 19. Donc, on vous remercie d'être encore une fois tout aussi autant nombreux à nous suivre sur la POC en format audio et sur les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment nice. Je prends quelques instants, écoute, avant de débarquer là, de tirer à plug sur le show. Avant l'émission, j'ai demandé qui gagnait la transaction. Et il y a Nicolas Desrosiers qui nous a répondu qu'à son avis, les deux équipes sont gagnantes. Dans un sens, il y avait un besoin criant d'offensive à Montréal et à Tampa Bay, on avait un besoin de relève à la défense. Donc, présentement, il croit que le Canadien a l'avantage car Drouin est un joueur établi dans la Ligue nationale qui est en pleine éclosion, alors que Sergachev devra se battre pour un poste du côté de Tampa Bay. Lui, tu sais, il spécifie aussi que Sergachev a connu une saison en dents de scie à Windsor, c'est vrai. Et après ça, il s'est retenu, il s'est rattrapé lors de la Coupe Memorial et qu'en plus, il n'avait pas fait l'équipe junior au dernier mondial. Du côté de la Russie. Mais ça, je pense que c'est politique. En tout cas, donc, voilà pour le commentaire de Nicolas Desrosiers. Sylvain, un gros merci de ton passage sur la POC. Merci d'être mon bouche-trou favori. Toujours un plaisir d'être ta side chick en remplacement de Jerry. Écoute, tu me fais shiner comme peu d'autres sont capables de le faire et j'apprécie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Salut Sylvain, salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye.